je vis, parmi des orages de pensées qui ne s'échappent pas. Je retrouve avec peine et patience ma vocation de silence et de dissimulation. Il m'est de nouveau aisé de suivre Brague à travers une ville, en haut, en bas, à travers les squares, les cathédrales et les musées, dans la fumée des petits caboulots où on mange épatamment. Notre cordialité parle peu, sourit rarement, mais rit quelquefois aux éclats, comme si la gaieté nous était plus accessible que la douceur. Je ris facilement aux histoires de Brague, et je force mon rire à l'aigu, de même qu'il outre en me parlant une grossièreté très artificielle. Nous sommes sincères, l'un et l'autre, mais pas toujours très simples. Nous avons des plaisanteries traditionnelles qui nous égaient traditionnellement. La préférée de Brague, et qui m'exaspère, est le jeu du satyre, qui se mime dans les tramways où mon camarade élit pour victime tantôt une jeune femme timide, tantôt une vieille demoiselle agressive. Assis en face d'elle, velement adossé, il la couve d'un regard allumé pour qu'elle rougisse, tousse, arrange sa voilette et détourne la tête. Le regard du satyre insiste, lubriquement, puis tous les traits du visage, bouche, narines, sourcils, concourent à exprimer la joie spéciale d'un érotomane. « C'est un excellent exercice de physionomie, » assure Brague. « Quand on aura créé pour moi une classe de pantomime au conservatoire, je le ferai répéter à toutes mes élèves, ensemble et séparément. » Je ris parce que la pauvre dame, affolée, ne manque jamais de quitter le tramway très vite, mais la perfection grimaçante du vilain jeu me crispe. Mon corps, un peu surmené, subit sans logique des crises d'intolérante chasteté, d'où je choie dans un brasier, allumé en une seconde par le souvenir d'un parfum, d'un geste, d'un cri tendre, un brasier qui éclaire les délices que je n'ai pas eus, aux flammes duquel je me consume, immobile et les genoux joints, comme si je risquais, au moindre mouvement, d'élargir mes brûlures. Max, il m'écrit, il m'attend. Que sa confiance m'est cruelle à porter, plus cruelle à porter qu'à leurrer, car j'écris, moi aussi, j'écris, avec une abondance, une liberté inexplicable. J'écris sur des guéridons boiteux, assises de biais sur des chaises trop hautes. J'écris, un pied chaussé et l'autre nu, mon papier logé entre le plateau du petit-déjeuner et mon sac à main ouvert, parmi les brosses, le flacon d'odeur et le tire-bouton. J'écris devant la fenêtre qui encadre un fond de cour, ou les plus délicieux jardins, ou des montagnes vaporeuses. Je me sens chez moi, parmi ce désordre de campement, ce n'importe où et ce n'importe comment, et plus légère qu'en mes meubles hantés. L'Amérique du Sud, qu'est-ce que ça te dit à toi? Cette baroque question de Brague est tombée hier, comme un caillou dans ma rêverie d'après-dîner, pendant l'heure si courte où je lutte contre le sommeil et le dégoût d'aller, en pleine digestion, me maquiller, me déshabiller. L'Amérique du Sud, c'est loin. Flemmarde. Tu ne comprends pas, Brague. Je dis « c'est loin » comme j'aurais dit « c'est beau ». Ah bon, comme ça? C'est Salomon qui me tâte pour là-bas. Alors? Alors? On peut voir? On peut voir? Ni l'un ni l'autre, nous ne sommes dupes de notre indifférence jouée. J'ai appris, à mes dépens, à ne pas allumer l'impresario sur une tournée en montrant mon envie de partir. D'autre part, Brague se garde jusqu'à nouvel ordre de me présenter l'affaire sous un jour avantageux, dans la crainte de provoquer un enchérissement sur le cachet global. L'Amérique du Sud. J'ai eu, à ces trois mots-là, un éblouissement d'illettré qui voit le nouveau monde à travers une féerie d'étoiles en pluie, de fleurs géantes, de pierres précieuses et d'oiseaux-mouches. Le Brésil, l'Argentine. Quel nom étincelant! Margot m'a conté qu'on l'y emmena tout enfant, et mon désir émerveillé s'accroche à la peinture qu'elle me fit d'une araignée au ventre d'argent et d'un arbre couvert de lucioles. Le Brésil, l'Argentine, mais... Et Max? Et Max? Depuis hier, je rôde autour de ce point d'interrogation. Et Max? Et Max? Ce n'est plus une pensée, c'est un refrain, un bruit, un petit croassement rythmé qui fatalement amène une de mes crises de grossièreté. Quel ancêtre mal embouché aboie en moi avec cette virulence non seulement verbale mais sentimentale. Je viens de froisser la lettre commencée pour mon ami en jurant à mi-voix. Hé Max, encore? Jusqu'à quand le trouverai-je dans mes jambes celui-là? Hé Max, alors moi, je n'existe que pour me soucier de cet encombrant rentier? La paix, Seigneur, la paix. Assez de chichi, assez d'idylle, assez de temps perdu, assez d'hommes. Regarde-toi, ma pauvre amie, regarde-toi. Tu n'es pas, il s'en faut, une vieille femme, mais tu es déjà une manière de vieux garçon. Tu en as les manies, le sale caractère, la sensibilité tatillonne. De quoi souffrir, de quoi te rendre insupportable. Que vas-tu faire dans cette galère, pas même dans ce bateau lavoir, solidement amarré, où l'on blanchit une lessive patriarcale? Si tu étais capable, au moins, de te payer un bon petit béguin pour ce grand gars-là, 15 jours, 3 semaines, 2 mois, et puis adieu, on ne se doit rien, on s'est bien réjoui l'un de l'autre. Tu aurais dû apprendre, chez t'ayant dit, comment on se plaque. Et je vais. J'apporte à insulter mon ami et moi-même une ingéniosité crue, méchante. C'est une sorte de jeu où je m'excite à dire des choses vraies que je ne pense pas encore. Et cela dure jusqu'au moment où je m'aperçois qu'il pleut à verse. Les toits de l'autre côté de la rue ruissellent et la gouttière déborde. Une longue goutte froide roule le long de la vitre et tombe sur ma main. Derrière moi, la chambre est devenue noire. Il ferait bon, contre l'épaule de celui que j'humiliais tout à l'heure en le traitant d'encombrant rentier. J'allume l'ampoule du plafond. Je risque, pour m'occuper, un arrangement éphémère de la table à écrire. J'ouvre le buvard entre le miroir chevalet et le bouquet de narcisses. Je cherche un semblant de home. Je souhaite le thé chaud, le pain doré, ma lampe familière et son abat-jour rose, l'aboiement de ma chienne, la voix de mon vieil amant. Une grande feuille blanche est là, tentante, et je m'assieds. Max, mon chéri, oui, je reviens. Je reviens un peu tous les jours. Est-il possible que 12 nuits seulement me séparent de vous? Rien n'est moins sûr. Il me semble que je ne dois plus vous revoir. Comme ce serait terrible, comme ce serait sage. Je m'arrête. N'est-ce pas trop net? Non. D'ailleurs, j'ai écrit « ce serait » et jamais un amant ne prendra au tragique inconditionnel. Je puis continuer sur le même mode, rassurant, risquer des généralités mélancoliques, des restrictions timorées. Et comme, tout de même, j'appréhende une décision brusque qui amènerait Max ici en moins de 12 heures. Je n'oublie pas de noyer le tout dans un flot de tendresse, hélas, qui m'entraîne. C'est un peu dégoûtant ce que je fais là. Comme le temps passe, où sont les Pyrénées fleuries de cerisiers, la grande montagne sévère qui semblait nous suivre, étincelante d'une neige qui donne soif, sabrée d'ombre vertigineuse, fendue d'abîmes bleus et tachée de forêts de bronze. Où les vallées étroites et le gazon d'Espagne et les orchidées sauvages d'un blanc de gardenia et la placette basque où fumait le chocolat noir. Qu'il est déjà loin, le gave glacé, plein d'une grâce méchante, troublée par la fonte des neiges, transparent et laiteux comme les pierres de lune. Nous laissons Bordeaux, maintenant, après 5 représentations données en 3 jours. « Bonne ville !» soupirait Braga à la gare. « Je m'ai appliqué une petite bordelaise au cep, une de ses demi-portions, comme il en pleut sur le cours, tu vois d'ici ?» Haute comme 3 pommes, du nichon, la jambe courte, un petit pied gras, et ça se fout tant de noir aux yeux, tant de poudre, tant de cheveux frisés que je te défie de savoir si elles sont jolies ou non. Ça brille, ça cause, ça remue, ça fait bien mon blot. Il exhalait sa félicité tranquille, et je le regardais, avec une hostilité un peu écœurée, comme je regarde les gens qui mangent quand je n'ai plus faim. Le printemps craintif fuit devant nous. Il rajeunit d'heure en heure et se referme, feuille à feuille, fleur à fleur, à mesure que nous regagnons le nord. À l'ombre plus grêle des haies, les pâquerettes d'avril ont reparu et les dernières violettes décolorées. L'azur plus pâle, l'herbe plus courte, une humidité acide de l'air crée l'illusion de rajeunir et de remonter le temps. Si je pouvais dévider à rebours les mois échus, jusqu'au jour d'hiver où Max entra dans ma loge. Quand j'étais petite et que j'apprenais à tricoter, on m'obligeait à défaire des rangs et des rangs de mailles jusqu'à ce que j'eusse trouvé la petite faute inaperçue, la maille tombée, ce qu'à l'école on appelait une manque. Une manque. Voilà donc tout ce qu'aura été dans ma vie, mon pauvre second amour, celui que je nommais ma chère chaleur, ma lumière. Il est là, tout près de ma main, je peux le saisir, et je fuis, car je fuirai. Une dérobade préméditée s'organise là-bas, très loin, au fond de moi, sans que j'y prenne encore une part directe. Au moment décisif, lorsqu'il n'y aura plus qu'à crier, comme m'affoler, « Vite, Plantine, ma valise et un taxi auto !» Je serai peut-être dupe de mon désordre, mais, ô cher Max, que j'ai voulu aimer, je le confesse ici avec la douleur la plus vraie, tout est, dès cette heure, résolu. À cette douleur près, ne suis-je pas redevenue ce que j'étais, c'est-à-dire libre, affreusement seule et libre? La grâce passagère dont je fus touchée se retire de moi, qui refusait de m'abîmer en elle. Au lieu de lui dire « Prends-moi », je lui demande « Que me donnes-tu ? Un autre moi-même ? Il n'y a pas d'autre moi-même. Tu me donnes un ami jeune, ardent, jaloux et sincèrement épris ? Je sais, cela s'appelle un maître et je n'en veux plus. Il est bon, il est simple, il m'admire, il est sans détour. Mais alors, c'est mon inférieur et je me mésallie. Il m'éveille d'un regard et je cesse de m'appartenir s'il pose sa bouche sur la mienne. Alors c'est mon ennemi, c'est le pillard qui me vole à moi-même. J'aurai tout, tout ce qui s'achète et je me pencherai au bord d'une terrasse blanche où débordent les roses de mes jardins. Mais c'est de là que je verrai passer les maîtres de la terre, les errants. Reviens, supplie mon ami, quitte ton métier et la tristesse miséreuse du milieu où tu vis. Reviens parmi tes égaux. Je n'ai pas d'égaux, je n'ai que des compagnons de route. Des moulins tournent à l'horizon. Dans les petites gares que le train traverse, les coiffes bretonnes, les premières coiffes blanches, fleurissent comme des marguerites. Voici que j'entre, ébloui, dans le jaune royaume des genêts et des ajoncs. L'or, le cuivre, le vermeil aussi, car le colza pâle s'y mêle, enflamme ces landes pauvres d'une insoutenable lumière. J'appuie ma joue et mes mains ouvertes à la vitre du wagon, surprise de ne la point sentir tiède. Nous traversons l'incendie, des lieux et des lieux d'ajoncs en fleurs, une richesse désolée qui rebute même les chèvres, ou les papillons, alourdis par le chaleureux parfum de pêche à demi mûr et de poivre, tournoient d'une aile déchirée. C'est à Caen, l'avant-veille de notre retour, que je trouve cette lettre de Max, une ligne, sans signature. « Ma Renée, est-ce que vous ne m'aimez plus ? C'est tout. » Je n'avais pas prévu cette douceur et cette question si simple, qui déjoue toute ma littérature. Qu'ai-je donc écrit la dernière fois ? Peu importe. S'il m'aime, ce n'est pas dans mes lettres qu'il a lu l'avertissement. S'il m'aime, il connaît ces chocs mystérieux, ce doigt léger et malfaisant qui heurte le cœur, ces menus foudroiements qui immobilisent soudain un geste, coupent un éclat de rire. Il connaît que la trahison, l'abandon, le mensonge frappe à travers la distance. Il connaît la brutalité, l'infaillibilité du pressentiment. Pauvre ami que j'ai voulu aimer, tu aurais pu mourir ou me tromper, et je n'en aurais rien su, moi que la trahison la mieux cachée blessait, autrefois, télépathiquement. Ma Renée, est-ce que vous ne m'aimez plus ? Je n'ai pas fondu en pleurs passionnés, mais j'ai jeté sur une feuille de papier les abréviations d'une dépêche vaguement rassurante. Après-demain, 5 heures, serai chez moi, toutes mes tendresses. Je suis jalouse, subtilement, de cet homme qui souffre. Je relis sa plainte et je parle à cette lettre comme si c'était à lui, avec la bouche dure et les sourcils méchants. Tu aimes, tu souffres et tu te plains. Te voilà tout ressemblant à moi-même quand j'avais 20 ans. Je t'abandonne et grâce à moi, tu vas peut-être t'augmenter de ce qui te manque. Déjà, tu vois à travers les murailles, ne t'émerveilles-tu pas, grand mâle épais, des nerfs affinés, une souffrance innocente et enflammée, un espoir qui reverdissait, vivace, comme un pré fauché. C'était ma part, tout cela, et ce sera maintenant la tienne. Je ne puis te la reprendre, mais je t'en veux. Une pincée de lettres accompagne celle de Max. Blandine elle-même écrit « Madame, Monsieur Maxime a reporté Fossette, elle a encore un nouveau collier. Monsieur Maxime demande après Madame, il n'a pas l'air bien content, on voit qu'il a attendu après Madame. » Lettre d'Amon, qui parle simplement, mais écrit avec une courtoisie presque cérémonieuse. Lettre de Margot, qui n'a rien à me dire, et remplie deux feuillets d'un babil de religieuse. Ils se hâtent de m'écrire tous, au moment où je reviens, comme si leur conscience leur reprochait un peu de m'avoir laissé longtemps seule. À qui me confierais-je au retour? À Amon? À Margot? Ni à l'un, ni à l'autre. Je déchire ce fatras léger, avant de quitter, pour monter sur la scène, la tombe étouffante qu'on nomme Loge de l'Étoile aux Folies Canaises. Nous sommes dans un café chantant, ancien style. Il faut traverser une partie du public pour gagner la porte de la scène. C'est le pire moment de la soirée. On nous coudoie, on nous barre exprès le passage pour nous dévisager plus longtemps. Mon bras nu laisse sa poudre contre un dolman. Une main tire sournoisement mon châle brodé. Des doigts furtifs tâtent ma hanche. Tête haute, nous portons le mépris et la convoitise de cette foule chaude, comme de fiers détenus. La demie d'une heure sonne très loin. Le train de Calais qui doit me ramener à Paris ne passera que dans 50 minutes. Je rentre seul, dans la nuit, sans prévenir personne. Brague et le vieux troglodyte, désaltérés par mes soins, dorment maintenant quelque part dans Boulogne-sur-Mer. Nous avons tué 3 quarts d'heure en comptabilité et en bavardage, en projet de tournée sud-américaine, et puis je suis venu m'échouer à cette gare de Tintellerie, si déserte à cette heure qu'elle semble désaffectée. On n'a pas allumé, pour moi toute seule, les globes électriques du quai. Un timbre fêlé grelotte timidement dans l'ombre, comme suspendu au cou d'un chien transi. La nuit est froide et sans lune. Il y a près de moi, dans un jardin invisible, des lilas odorants que le vent froisse. J'entends, là-bas, l'appel des sirènes sur la mer. Qui devinerait que je suis ici, tout au bout du quai, pelotonné dans mon manteau? Comme je suis bien cachée, ni plus noire ni plus claire que l'ombre. Au petit jour, j'entrerai chez moi, sans bruit, comme une voleuse, car on ne m'attend pas si tôt. J'y verrai Fossette et Blandine, et puis ce sera le plus dur moment. J'imagine exprès les détails de mon arrivée. J'appelle, avec une cruauté nécessaire, le souvenir du parfum double qui s'attache aux tentures, tabac anglais et jasmin un peu trop doux. Je presse en pensée le coussin de satin qui porte, en 2 taches pâles, la trace de 2 larmes tombées de mes yeux pendant 1 minute de très grand bonheur. J'ai au bord des lèvres le petit « Ah !» étouffé d'une blessée qui heurte sa blessure. C'est exprès. J'aurai moins mal tout à l'heure. Je fais, de loin, mes adieux à tout ce qui me retiendrait là-bas et à celui qui n'aura plus rien de moi qu'une lettre. Une sagesse, lâche et raisonneuse, me détourne de le revoir. Point de loyale explication entre nous. Une héroïne tout en chair, telle que moi, n'est pas de taille à triompher de tous les démons. Qu'elle me méprise, qu'elle me maudisse un peu, cela n'en vaudra que mieux. Pauvre chair, il guérira plus vite. Non, non, pas trop d'honnêteté et pas trop de phrases, car c'est en me taisant que je le ménage. Un homme traverse les voies, d'un pas endormi, poussant une malle sur un chariot. Et tout à coup, les globes électriques de la gare s'allument. Je me lève, engourdi. Je ne m'apercevais pas que j'avais très froid. Au bout du quai, une lanterne sautille, dans le noir, balancée par un bras qu'on ne voit pas. Un sifflement lointain répond aux rauques sirènes. C'est le train. Déjà. Adieu, mon chéri. Je m'en vais, pas bien loin d'ici, dans un village. Ensuite, je partirai sans doute pour l'Amérique, avec Brague. Je ne vous verrai plus, mon chéri. En lisant ceci, vous ne croirez pas à un jeu cruel, puisque vous m'avez écrit avant-hier « Ma Renée, est-ce que vous ne m'aimez plus ?» Je m'en vais. C'est le moindre mal que je puisse vous faire. Je ne suis pas méchante, Max, mais je me sens tout usée et comme incapable de reprendre l'habitude de l'amour et effarée d'avoir encore à souffrir par lui. Vous ne me croyez pas si lâche, mon chéri. Quel petit cœur que le mien. Autrefois, il eût été pourtant digne du vôtre, qui s'offre si simplement. Mais maintenant, que vous donnerais-je, maintenant, ô mon chéri? Le meilleur de moi, ce serait dans quelques années cette maternité ratée qu'une femme sans enfant reporte sur son mari. Vous ne l'acceptez pas, ni moi non plus. C'est dommage. Il y a des jours, moi qui me regarde vieillir avec une terreur résignée, des jours où la vieillesse m'apparaît comme une récompense. Mon chéri, un jour, vous comprendrez tout ceci. Vous comprendrez que je ne devais pas être à vous, ni à personne, et qu'en dépit d'un premier mariage et d'un second amour, je suis demeurée une espèce de vieille fille. Vieille fille à la ressemblance de certaines, si amoureuses de l'amour qu'aucun amour ne leur paraît assez beau, et qu'elles se refusent sans daigner s'expliquer. Qui repousse toutes mes alliances sentimentales et retourne s'asseoir pour la vie devant une fenêtre, penchée sur leur aiguille, tête à tête avec leur chimère incomparable. J'ai voulu tout, comme elle. Une lamentable erreur m'a puni. Je n'ose plus, mon chéri. Voilà tout. Je n'ose plus. Ne soyez pas irrité si je vous ai caché, longtemps, mes efforts pour ressusciter en moi l'enthousiasme, le fatalisme aventureux, l'espoir aveugle, toute l'allègre escorte de l'amour. Point d'autre délire que celui de mes sens. Hélas, il n'en est pas dont les trêves soient plus lucides. Tu m'aurais consumé en vain, toi de qui le regard, les lèvres, les longues caresses, le silence émouvant guérissait, pour un peu de temps, une détresse dont tu n'es pas coupable. Adieu, mon chéri. Cherchez loin de moi la jeunesse, la fraîche beauté intacte, la foi en l'avenir et en vous-même, l'amour, enfin, tel que vous le méritez, tel que j'aurais pu autrefois vous le donner. Ne me cherchez pas, j'ai juste la force de vous fuir. Si vous entriez là, devant moi, pendant que je vous écris, mais vous n'entrerez pas. Adieu, mon chéri. Vous êtes le seul être au monde que j'appelle mon chéri, et après vous, je n'ai plus personne à qui donner ce nom-là. Pour la dernière fois, embrassez-moi comme quand j'avais froid. Embrassez-moi bien serré, bien serré, bien serré. René. J'ai écrit très lentement. Avant de signer, j'ai relu ma lettre. J'ai arrondi des boucles, ajouté des points, des accents. J'ai daté 15 mai, 7h du matin. Mais signé, daté, éclose enfin. C'est quand même une lettre inachevée. La rouvrirai-je? Je grelotte soudain, comme si, en fermant l'enveloppe, j'avais aveuglé le guichet lumineux où soufflait encore une chaude haleine. C'est une matinée sans soleil, et le froid de l'hiver semble s'être réfugié dans ce petit salon, derrière les persiennes cadenassées depuis 40 jours. Assise à mes pieds, ma chienne se tait et regarde la porte. Elle attend. Elle attend quelqu'un qui ne viendra plus. J'entends Blandine remuer les casseroles. Je sens l'odeur du café moulu. La faim tiraille maussadement mon estomac. Un drap usé couvre le divan. Une buée humide et bleue ternit la glace. On ne m'attendait pas si tôt. Tout ce voile de vieux linge, d'humidité, de poussière, tout porte encore ici l'appareil un peu funèbre du départ et de l'absence, et je traverse mon abri furtivement, sans enlever les housses blanches, sans écrire un nom sur le velours de poussière, sans laisser d'autres traces sur mon passage que cette lettre inachevée. Inachevée, cher intrus que j'ai voulu aimer, je t'épargne. Je te laisse ta seule chance de grandir à mes yeux, je m'éloigne. Tu n'auras à lire ma lettre que du chagrin. Tu ne sauras pas à quelle humiliante confrontation tu échappes. Tu ne sauras pas de quel débat tu fus le prix que je dédaigne. Car je te rejette et je choisis tout ce qui n'est pas toi. Je t'ai déjà connu et je te reconnais. N'es-tu pas, en croyant donner, celui qui accapare? Tu étais venu pour partager ma vie? Partager, oui. Prendre ta part, être de moitié dans mes actes, t'introduire à chaque heure dans la pagode secrète de mes pensées, n'est-ce pas? Pourquoi toi, plutôt qu'un autre? Je l'ai fermé à tous. Tu es bon, et tu prétendais, de la meilleure foi du monde, m'apporter le bonheur, car tu m'as vu dénué et solitaire. Mais tu avais compté sans mon orgueil de pauvresse. Les plus beaux pays de la terre, je refuse de les contempler. Tout petit, au miroir amoureux de ton regard. Le bonheur? Es-tu sûr que le bonheur me suffise désormais? Il n'y a pas que le bonheur qui donne du prix à la vie. Tu me voulais illuminer de cette banale aurore, car tu me plaignais obscur. Obscur, si tu veux, comme une chambre vue du dehors. Sombre et non obscur. Sombre et parée par les soins d'une vigilante tristesse. Argentée. Et crépusculaire comme l'effraie, comme la souris soyeuse, comme l'aile de la mythe. Sombre, avec le rouge reflet d'un déchirant souvenir. Mais tu es celui devant qui je n'aurai plus le droit d'être triste. Je m'échappe, mais je ne suis pas quitte encore de toi, je le sais. Vagabonde et libre, je souhaiterais parfois l'ombre de tes murs. Combien de fois avais-je retourné à toi? Cher appui où je me repose et me blesse. Combien de temps vais-je appeler ce que tu pouvais me donner? Une longue volupté, suspendue, attisée, renouvelée. La chute ailée, l'évanouissement où les forces renaissent de leur mort même. Le bourdonnement musical du sang affolé. L'odeur de santal brûlé et d'herbe foulée. Ah, tu seras longtemps une des soifs de ma route. Je te désirerai tour à tour comme le fruit suspendu, comme l'eau lointaine et comme la petite maison bienheureuse que je frôle. Je laisse à chaque lieu de mes désirs errants mille et mille ombres à ma ressemblance effeuillées de moi, celle-ci sur la pierre chaude et bleue des combes de mon pays, celle-là au creux moite d'un vallon sans soleil, et cette autre qui suit l'oiseau, la voile, le vent et la vague. Tu gardes la plus tenace, une ombre nue, onduleuse, que le plaisir agite comme une herbe dans le ruisseau. Mais le temps la dissoudra comme les autres, et tu ne sauras plus rien de moi, jusqu'au jour où mes pas s'arrêteront et où s'envolera de moi une dernière petite ombre.